Chapitre 28e. À ces mots répétés avec ivresse par Frédéric, « Sauvé, mère, sauvé !» Marie-Bastien regarda son fils avec un mélange de joie et de stupeur. Déjà, il était méconnaissable et presque transfiguré. Le front haut, le sourire radieux, le regard inspiré, ses beaux traits semblaient illuminés par un rayonnement intérieur. La jeune mère en fut éblouie. Son fils n'eut pas crié « Sauvé !» qu'à son attitude, à sa physionomie et à la sérénité des traits de David, Marie eut deviné qu'il le ramenait Frédéric régénéré. Quel moyen, quel prodige avait opéré ce résultat aussi rapide qu'inattendu? Marie ne se le demanda pas. David lui rendait son Frédéric d'autrefois, comme elle disait. Aussi, dans un élan de reconnaissance presque religieuse, elle allait se jeter aux pieds de David lorsque celui-ci la prévint, en étendant vivement ses mains vers elle. Marie les saisit, les serra passionnément entre les siennes, et s'écria, d'une voix où vibraient pour ainsi dire toutes les pulsations de son cœur maternel, « ma vie entière, monsieur David, vous m'avez rendu mon fils. Oh, ma mère, oh, mon ami !» s'écria Frédéric. Et d'une étreinte irrésistible, il serra à la fois contre son cœur Marie et David, qui, partageant l'entraînement du jeune homme, se confondirent avec lui dans un même et long embrassement. Madame Bastien ne fut pas instruite du danger que son fils avait couru le matin. Il alla, ainsi que David, quitter ses vêtements humides, puis tous deux revinrent trouver Madame Bastien, qui, plongée dans une sorte d'extase, se demandait seulement alors par quel miracle David avait si rapidement opéré la guérison de Frédéric. En se revoyant, au bout de bien peu de temps cependant, la mère et le fils volèrent de nouveau dans les bras l'un de l'autre, durant cet embrassement ineffable. La jeune femme chercha presque involontairement les regards de David, comme pour l'associer à ses caresses maternelles et lui rendre grâce du bonheur qu'elle goûtait. Frédéric, jetant les yeux autour de lui, paraissait contempler avec attendrissement tous les objets que renfermait la salle d'études. « Mère !» dit-il après un moment de silence, avec un sourire plein de charme. « Tu vas me prendre pour un fou, mais il me semble qu'il y a je ne sais combien de temps que je ne suis entré ici. Tiens, depuis la veille du jour où nous sommes allés au château de Pontbriand, nos livres, nos dessins, notre piano, enfin jusqu'à mon vieux fauteuil de travail, ce sont comme autant d'amis que je retrouve après une longue absence. « Je te comprends, Frédéric, » dit Madame Bastien en souriant. « Nous sommes comme les endormis du comte de la Belle au bois dormant. Notre sommeil, un peu moins long que le sien, a duré 5 mois. De mauvais songes l'ont agité, mais nous nous réveillons aussi heureux que lorsque nous nous sommes endormis, n'est-ce pas ?»« Plus heureux, mère, » ajouta Frédéric en prenant la main de David. « À notre réveil, nous trouvons un ami de plus. Tu as raison, mon enfant, » dit la jeune mère en jetant sur David un regard enchanteur. Puis, voyant Frédéric ouvrir la porte vitrée qui donnait sur la futaie, Madame Bastien ajouta « Que fais-tu? La pluie a cessé, mais le temps est encore brumeux et sombre. »« Le temps, brumeux et sombre ?» s'écria Frédéric, sortant de la maison et regardant la futaie séculaire avec ravissement. « Oh mère, peux-tu dire que le temps est sombre ? Tiens, je vais continuer à te paraître fou, mais notre chère et vieille futaie me semble aussi dorée, aussi riante que par le plus gai soleil de printemps. » Le jeune homme paraissait en effet renaître. Ses traits exprimaient une félicité si vraie, si expansive, que sa mère ne se lassait pas de le regarder en silence. Elle le revoyait aussi beau, aussi alerte, aussi joyeux qu'autrefois, quoiqu'il fût amaigri, pâli, et encore sa pâleur se colorait-elle à chaque instant de l'incarnat des plus douces émotions. David, pour qui chaque parole de Frédéric avait un sens, jouissait délicieusement de cette scène. Soudain, le jeune homme s'arrêta un instant rêveur, devant une touffe d'épines sauvages qui croissait sur la lisière de la futaie. Après quelques moments de réflexion, il chercha des yeux Madame Bastien et lui dit, non plus gaiement mais avec une douce mélancolie, « Mère, en deux mots, je vais te raconter ma guérison. Ainsi, ajouta-t-il en se tournant vers David, vous verrez que j'ai profité de vos leçons, mon ami. » Pour la première fois, Marie remarqua que son fils appelait David son ami. Le contentement qu'elle éprouvait de cette tendre familiarité se lut si visiblement sur ses traits que Frédéric lui dit « Mère, c'est M. David qui m'a demandé de le nommer désormais mon ami. Il a eu raison. Il m'eût été difficile de lui dire plus longtemps, « Monsieur David, maintenant, mère, écoute-moi bien. » Reprit Frédéric, « Tu vois cette touffe d'épines noires ? Oui, mon enfant. Rien ne semble plus inutile, plus redoutable que cette épine et ses dards acérés, n'est-ce pas, mère ? Sans doute. » Mais que le bon vieil André, notre jardinier, notre chef des cultures, ajouta-t-il en souriant, approche seulement de l'épiderme de cet arbrisseau inculte un tout petit rameau d'un beau poirier, cette sauvage épine se transformera bientôt en un arbre chargé de fleurs, puis de fruits savoureux. Et cependant, mère, ce seront toujours les mêmes racines, pompant la même sève dans le même sol. Seulement cette sève, cette force, seront utilisées. Comprends-tu ? À merveille, mon enfant. Il s'agit, ainsi que tu le dis, de forces bien employées, au lieu de demeurer stériles ou malfaisantes. Oui, madame, reprit David en échangeant un sourire d'intelligence avec Frédéric. Et pour suivre la comparaison de ce cher enfant, j'ajouterai qu'il en est de même des passions, regardées comme les plus dangereuses et les plus vivaces, parce qu'elles sont le plus profondément implantées dans le cœur de l'homme. Dieu les a mises là, ne les arrachez pas. Greffez seulement ces épineux sauvageons, comme disait Frédéric, et faites ainsi fleurir et fructifier la sève puissante que le Créateur a mise en eux. Cela me rappelle, monsieur David, dit la jeune femme, frappée de ce raisonnement, qu'à propos du sentiment de la haine, vous m'avez fait, avec raison, remarquer qu'il était des haines nobles, généreuses, héroïques même. Eh bien, mère, dit résolument Frédéric, l'envie peut, comme la haine, devenir féconde, héroïque, sublime. L'envie ? S'écria Marie-Bastien. Oui, l'envie, car le mal qui me tuait, c'était l'envie. Toi, envieux, toi ? Depuis notre visite au château de Pontbriand, la vue de ces merveilles. Ah ! S'écria Marie-Bastien, soudain éclairée par cette révélation et frémissant, si cela se peut dire, d'un effroi rétrospectif. Ah, maintenant je comprends tout, malheureux enfant. Heureux enfant, mère, car si cette envie, faute de culture, a été longtemps noire et sauvage, comme l'épine dont nous parlions tout à l'heure, notre ami, ajouta Frédéric en se tournant vers David, avec un ineffable sourire de tendresse et de reconnaissance, notre ami a greffé cette envie de vaillante émulation, d'ambition généreuse, et tu en verras les fruits, mère, tu verras comme, à force de courage, de travail, j'illustrerai ton nom et le mien. Cet humble nom dont l'obscurité me navrait. Oh, la gloire, la renommée, ma mère, quel radieux avenir! Te faire dire avec ivresse, avec orgueil, c'est mon fils, pourtant, c'est mon fils! Mon enfant, oh, mon enfant chéri, s'écria Marie avec ravissement, je comprends maintenant la guérison comme j'ai compris le mal. Puis, s'adressant au précepteur, elle ne put que dire, Monsieur David, oh, monsieur David! Et des larmes, des sanglots de joie lui coupèrent la parole. « Oui, remercie-le, mère, » reprit Frédéric, entraîné par l'émotion. « Aime-le, chérie, bénis-le, car tu ne sais pas, vois-tu, quelle bonté, quelle délicatesse, quelle haute et malraison, quel génie il a montré pour la guérison de ton enfant. Ces paroles sont restées là, ineffaçables, dans mon cœur. Elles m'ont rappelé à la vie, à l'espoir, à tous les sentiments élevés que je te devais. Oh, grâce te soit rendue, ma mère, c'est encore ta main qui a choisi mon sauveur, ce bon génie qui m'a rendu à toi, digne de toi. Il est des bonheurs impossibles à peindre. Telle fut la fin de cette journée pour David, Marie et son fils. Frédéric était trop pénétré de reconnaissance et d'admiration envers son ami pour ne pas vouloir faire partager ses sentiments à sa mère. Les paroles du précepteur étaient si présentes à sa pensée qu'il redit à la jeune femme presque mot pour mot leur long entretien. Bien souvent, Frédéric fut sur le point d'avouer à sa mère qu'il devait à David non seulement la vie de l'âme, mais la vie du corps. Il fut retenu par la promesse faite à son ami, et plus encore par la crainte de causer en ce moment à Marie-Bastien une dangereuse émotion. Quant à Marie, en embrassant d'un coup d'œil toute la conduite de David, depuis la première heure de son dévouement jusqu'à cette heure de triomphe inespéré, en se rappelant sa mansuétude, sa simplicité, sa délicatesse, sa généreuse persévérance, couronnée d'un succès si éclatant, succès obtenu par le seul ascendant d'un grand cœur et d'un esprit élevé. Quant à Marie, ce qu'elle ressentit de ce jour pour David serait difficile à exprimer. C'était un mélange de tendre affection, d'admiration, de respect, et surtout de reconnaissance passionnée, car la jeune femme devait à David non seulement la guérison de Frédéric, mais elle comptait aussi sur l'avenir qu'elle entrevoyait glorieux, peut-être illustre, pour son fils, ne doutant pas que ses qualités habilement dirigées par David, et encore surexcitées par l'ardeur d'une généreuse ambition, n'élevassent un jour Frédéric à une brillante destinée. De ce moment aussi, dans le cœur de Marie, David devint inséparable de Frédéric, et sans se rendre précisément compte de cette espérance, la jeune femme a senti sa vie et celle de son fils à jamais partagée, ou plutôt confondue, avec la vie de David. On laisse à penser la délicieuse soirée que passèrent dans le salon d'études la mère, le fils et le précepteur. Seulement, comme certaines joies accablent autant que la douleur, et demandent à être, pour ainsi dire, dégustées, savourées, avec recueillement, Marie, son fils et David se séparèrent plus tôt que d'habitude, et ce soir-là se dirent à demain avec la douce conviction d'une journée ravissante. David regagna sa petite chambre. Lui aussi avait besoin d'être seul. Ces mots prononcés par Frédéric dans l'entraînement de la reconnaissance en parlant de son précepteur à sa mère, « Aime-le, chérie, bénis-le », ces mots auxquels Marie-Bastien avait répondu en jetant sur David un regard d'une reconnaissance inexprimable, ces mots faisaient la joie et la douleur de David. Il avait senti tressaillir jusqu'aux dernières fibres de son cœur en rencontrant plusieurs fois les grands yeux bleus de Marie noyés d'une volupté maternelle. Il avait encore tressailli en voyant de quelles caresses délirantes elle couvrait son fils. Aussi David rêvait-il malgré lui au trésor d'ardente affection que devait contenir cette nature à la fois vierge et passionnée. Quel amour que le sien, se disait-il, s'il y avait place dans son cœur pour un autre sentiment que celui de la maternité. Combien elle était belle aujourd'hui, quelle expression enchanteresse. Oh, je le sens, voilà pour moi l'heure du péril, de la lutte et de la souffrance. Oui, car les larmes de Marie la consacraient. Je me reprochais comme un sacrilège de lever les yeux sur cette jeune mère et pleurer, pourtant si belle dans les larmes. Mais la voici radieuse, d'une félicité qu'elle me doit. Mais voici que dans sa reconnaissance ingénue, ses yeux attendris me cherchent à chaque instant et se reposent tour à tour sur Frédéric et sur moi. Mais voici que son fils lui dit, et lui dira souvent devant moi, « Aime-le, chéris-le, bénis-le. » Et le silence expressif, le regard touchant de cette adorable femme, peut-être un jour me fera croire que... » David, n'osant poursuivre cette pensée, reprit avec accablement, « Oh oui, elle est venue, l'heure de la résignation, l'heure de la souffrance. Avouez mon amour, moins encore le laisser deviner à Marie, maintenant qu'elle me doit tant. Lui faire croire peut-être que mon dévouement cachait un calcul de séduction. Lui faire croire qu'au lieu de céder spontanément ainsi que cela a été, à l'intérêt que m'a inspiré ce pauvre enfant, grâce au souvenir d'un frère incessamment pleuré, je me suis fait un manteau, un prétexte, de mes regrets pour surprendre la confiance maternelle de cette jeune femme. Perdre enfin à ses yeux le seul mérite de mon dévouement, ma loyauté soudaine, irréfléchie, oui, bien irréfléchie, je m'en aperçois maintenant, hélas. Me dégrader enfin aux yeux de Marie, jamais, jamais. Entre elle et moi, il y aura toujours son fils. Pour fuir cet amour qui, je le sens, va toujours aller croissant, dois-je quitter cette maison? Non, je ne le puis encore. Frédéric, aujourd'hui dans l'ivresse de cette révélation qui a changé son morne désespoir en une volonté pleine de foi et d'ardeur, Frédéric, retiré soudain de l'abîme où il se débattait, éprouve ce vertige du prisonnier rendu tout à coup à la lumière et à la liberté. Mais cette guérison n'a-t-elle pas besoin d'être affermie? Ne faudra-t-il pas modérer maintenant la fougue de cette jeune et ardente imagination dans ses élans vers l'avenir? Et puis, cette première exaltation passée, demain peut-être, et par cela même qu'il sera plus relevé dans sa propre estime et qu'il comprendra mieux les généreux efforts qu'il doit puiser dans l'envie, Frédéric se souviendra, sans doute avec plus d'amertume encore, de la funeste action qu'il a voulu commettre, sa tentative de meurtre contre Raoul de Pontbriand. Une féconde et généreuse expiation pourra donc seule apaiser ce remords qui a en partie poussé Frédéric au suicide. Non, non, je ne puis encore abandonner cet enfant. Je l'aime trop sincèrement, j'ai trop à cœur de compléter mon œuvre. Il faut rester. Rester, et chaque jour vivre d'une vie intime, solitaire, avec Marie qui est venue seule ici à cette place, au milieu de la nuit, dans un désordre dont le souvenir me brûle, m'enivre, et me poursuit jusque dans le sommeil où je cherche en vain l'oubli et le repos. À ce dangereux sommeil, David se livra pourtant car les émotions et les fatigues de la journée avaient été grandes. Le jour commençait à poindre. David, réveillé en sursaut par plusieurs coups frappés violemment à sa porte, entendit la voix de Frédéric qui lui disait avec épouvante « Mon ami, ouvrez, ouvrez, de grâce !»